بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن القدر ليس حجة للعاصي على فعل معاصيه لأمور. عندما الشيخ بن عثيمين il a cité pourquoi le fait de prendre comme argument القدر pour ceux qui font des péchés, c'est pas une preuve pour eux, abadan. Bel, c'est contre eux. Limada, il a cité plusieurs points. Fattab. Naam. Aïe, anna l'insan indahu qudra. In sha'a fa'al, wa in sha'a lam yaf'al. Wa kullu dhalik بإذن الله عز وجل. زد أحسنت أن الله سبحانه وتعالى أمره بفعل الطاعات وترك المعصيات, ولا شك أن هذا بقدرة الإنسان وبوسعه. من عنده شيء آخر؟ الإجباري. نعم, الفرق أن الاختياري نعم عنده قدرة, والإجباري لا قدرة له فيه. يعني أدنى الإجابة الموت, فلا شك ينفرق entre العمل الاختياري أي الإنسان له قدرة, والإجباري الذي لا قدرة له. زد باقي شيء. أحسنت, أن العاصي لا يدري ما قدره الله له. نعم, فسوف أمبليكي ماذا؟ نعم, لأن العاصي يعمل الشر ثم يستدل بالقدر, يقول قدر الله. والشيخ ابن تيمين بين أن هذا العاصي ولا شك ولا ريب لا يعلم الغيب ولا يعلم ما قدر له قبل الفعل, فيقال له لهذا العاصي اترك المعصية وافعل الخير وإن شاء الله تكون على خير. أما يقدم على المعاصي ثم يستدل بالقدر بشيء مجهول, فهذا سبا معقول أصلا. ما ذكره الشيخ ابن تيمين, هذا سي مهم يا جماعة, سي بوان سي مهم, ستوا يتميتخيزي. ثم أخذنا المخالفون في القدر, المخالفون للحق في مسألة القدر. من هم؟ ها؟ نعم, لكن شو ابن تيمين إلي زعبلي كمو الجبرية. ما عقيدة الجبرية؟ أحسنت, أن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار. سي سا الجبرية, أن لا بيرسون إلي فورسي إلا با ديختيار, إلا با الشوا. إي في دي معاصي إلا با الشوا. هؤلاء الجبرية الجهمية. Et tout ce qu'on a cité, les quatre premiers points qu'on a cités de Shurman et Taymin, ça répond à Haoula. Le deuxième groupe, Manhum Ali, le deuxième groupe Al-Qadariya. Ma hiya aqidatuhum? وخلق. نعم نعم, وبعضهم إذا أجوتي ولا يعلم والعياذ بالله. الأمر أنف القدرية الأول الكفار, تقدم هذا. فهؤلاء c'est l'extrême des autres. Les autres ils disent t'as pas le choix, هؤلاء ils disent au contraire c'est toi qui fais tes عمل, c'est ta volonté et Allah سبحانه وتعالى il a aucune إرادة aucune قدرة والعياذ بالله. حتى الخلق c'est toi qui crée tes propres œuvres, خاصة الشر عندهم. هؤلاء زي ضلال. كيف نرد عليهم؟ Comment on rade à ce deuxième groupe? C'est-à-dire qu'il y a ils vont dire nous on a la volonté. Là, ça c'est sur le khalq. Le jawab que tu as cité, c'est sur le khalq. Aïe, s'ils prétendent que c'est eux, Allah, il n'a pas créé char, ça implique qu'il y a un autre créateur. Wal'iyadu billah. S'ils disent Allah, il n'a pas créé char, hada char, il a bien été créé. Il est maoujoud. Enfin, qui c'est qui l'a créé? C'est un autre créateur. Hada al-lazim, c'est du kufr wadih. Zid. Naam, Allahu khaliku kulli shay. Hada al-rab. Tu réponds avec des ayats min al-Qur'an al-Karim. Eux, ils prétendent qu'Allah, il n'a pas tout créé. Il n'a pas créé le mal. Allah قال الله خالق كل شيء كل من الفاظ العموم سانغلوب الخير والشر الله il a pas dit الله خالق الخير لا il a dit كل شيء سانغلوب les bonnes choses et les mauvaises choses et les mauvaises choses il les a créées بحكمة عز وجل ثم شيخ ابن عثيمين il a cité مسألة الإرادة والفرق بين الإرادتين أولا الإرادة تنقسم إلى قسمين ما هي أو ما نعم هذه الأقسام الأولى عندك ما هي الإرادة الكونية الكونية هي التي بمعنى المشيئة الإرادة الشرعية عندك هي التي بمعنى المحبة ما معنى هذا من إرادته ويحبه الآن ما الفرق بينهما عندك أحسنت الكونية يلزم فيها وقوع المراد الله أرادها سي أوبليجي كو سيت شوز إل سو باس قال ولا يلزم أن يكون هذا الشيء محبوبا لله سيت شوز سي با فورسيمون كو الله يلم مثلا الكفر الله يلم با الكفر ولا يرضى لعباده الكفر قال عز وجل زد نعم لكونتخا وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله الشرعية فقسمه الله لله لكن سامبليك باكي سيت شوز اللي باغيبي مثلا الله إلام الإيمان إلام الإيمان لفوع ويريد ذلك من عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اسكو تو العباد سيدي مؤمن لا La plupart des ibad, ils ont délaissé Had al-Iman. C'est ça la différence entre Al-Irad al-Kawniya ou Al-Shar'iyya. Al-An, on cite un mythal. T'as deux choses. T'as Al-Iman ou Al-Kufr. T'as deux autres choses. Irad al-Kawniya, Irad al-Shar'iyya. Hâteau des stylos. On aura un tableau tayyib, là, qu'il ça. Hâdi, c'est Irad هذه سإرادة كونية هذه سإرادة شرعية الآن on a dit t'as deux choses t'as الكفر en noir et t'as l'Iman en jaune الآن ces deux choses ça va te donner quatre catégories tu vas avoir les deux ensemble peut-être dans cette irada tu vas avoir les deux ensemble peut-être dans celle-là et tu vas en avoir un ici un ici الآن là, je vais vous demander à chaque fois Le mythal, et vous le placez. Irada, celle de gauche, kauniya, celle de droite, shar'iyya. On prend notre exemple. On va prendre un exemple, deux hommes. Un musulman et un kafir. Et vous, dès que je vous cite l'exemple, vous placez dans le tableau. Mathalan, al-rajul, al-muslim. Une personne, c'est un musulman. Kauniya ou shar'iyya. Indaman. عندك شرعية أحسنت هذا الآن كونية شرعية les deux cette personne il est là c'est un مسلم كونية et شرعية pourquoi لماذا les deux عندك أحسنت الشرعية parce que Allah il aime هذا الرجل il aime pour son إيمان فسي الله il a voulu que cette personne ça soit un مؤمن Et il aime cette chose, shar'iyya. Pourquoi le frère il l'a mis dans Kawniya kadhalik? Ahsant, c'est waqi' fi kawnillah. C'est ça Kawniya. l'irada kaounia, c'est tout ce qui se passe dans le royaume d'Allah. C'est ça l'irada kaounia. Est-ce que dans le royaume d'Allah, il y a une chose qui se passe qu'Allah n'a pas voulu? Abadan. Fal'an surajul muslim. Allah, il lui a ordonné de croire, il a cru, Allah il aime, irada shar'iyya, kadhalik, il aime fi kaounia, c'est une créature d'Allah. Fal'an shak, que c'est bimashiyatila, irada kaounia, les deux. خلاص on a fini le premier. Le deuxième, كف هذا المسلم. N'oubliez pas, c'est un musulman. Lakin, pour rapport, le kufr pour rapport à lui, ça va être shar'iyya ou kawniyya. Il a les deux. Il rentre dans les deux. Enfin, c'est quoi la différence avec le premier? On ne s'est pas compris, Adam. Surajul, c'est un musulman. Il a les deux, shar'iyya, kawniyya. Un deuxième cas. Ce musulman, le kufr par rapport à lui. Il n'est pas un kafir. Mais le kufr par rapport à lui, est-ce qu'il va rentrer huna ou huna? Hicham. Kawniya. Ici. Limada. Est-ce que le kufr est arrivé? Est-ce que le kufr s'est passé, le kufr? Pour cette personne, on a dit c'est un musulman. Là, on a dit c'est un musulman là qui le kufr par rapport à lui. Comme nous, alhamdoulilah, on a des musulmans, le kufr par rapport à nous, c'est shar'iyya ou kawniyya? Limada? Naam, lakin t'as oublié une autre chose. Zed? Shar'iyya, Allah il aime pas. Donc, ça peut pas être shar'iyya. Pourquoi vous le mettez huna? Lakin, j'ai dit c'est un musulman. Là, c'est ni là ni là. C'est pas là parce qu'Allah il l'aime pas. C'est pas dans le kawniya parce qu'il l'a pas fait. On a dit le kawniya, il faut qu'une chose qui soit fi kawniya. Al-an, est-ce que ce rajoul c'est un kafir, c'est un musulman? Cet exemple que je vous ai donné, le haqiqa, il n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, il est ni là ni là. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un musulman. Lakin, le kufr par rapport à lui, le kufr par rapport à lui, Allah il l'aime pas, c'est pas shar'iyya, il l'a pas fait, c'est pas kawniya, c'est une chose qui n'existe pas. Les deux premiers cas, le premier cas, rajul muslim il a l'iman, kawniya shar'iyya. Deuxième cas, rajul muslim il a l'iman, le kufr par rapport à lui, ni kawniya ni shar'iyya. Lianna, Allah il l'aime pas, wa ma waqa'a hadha ash-shay. Troisième cas, on a fini al-mu'min. Al-an, les deux autres cas, ça va être kafir. Et si tu réfléchis bien, ça va être le contraire. Un kafir, yahoudi, nasrani, mulhid. Al-iman par rapport à lui, ça va être shar'iyya ou kawniyya? Faddal. Elle n'est pas kawniyya, parce qu'il est kafir. Ahsan. Elle n'est pas kawniyya, lianna, c'est un kafir. Donc le iman par rapport à cette personne, ma waqa. C'est un kafir. Pour que ça soit kawniyya, il faut que la chose elle se passe. Elle ne s'est pas passée, ça reste un kafir. Elle n'est pas kawniyya. Shar'iyya. Est-ce qu'elle est shar'iyya? لماذا؟ أحسنت شرعية لماذا؟ لأن الله لام الإيمان إلا أغدن الإيمان فهذا الرجل سكافر إلى با الإيمان donc cette chose elle ne s'est pas passée dans le kaun donc il a irada kaunia ne s'est pas passée lakin est-ce que ce kafir il est ordonné de croire? Il est ordonné de croire et Allah il aime cette chose irada shar'iyya lakin est-ce qu'il l'a fait? Il l'a pas fait. Hada, troisième cas. Quatrième cas, kuf al-kafir, son kuf c'est irada shar'iyya ou kaunia? عندك kaunia. لماذا؟ لأن كفره بمشيئة الله. الله سبحانه وتعالى أرادك سان كافر إلى الحكمة. فكونية. Est-ce que on peut faire entrer كفر هذا في الشرعية؟ إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكفر. هذا سي سا لي كات كا في الإرادة الشرعية كونية. Et tu prends l'exemple un رجل مسلم un رجل كافر. Et un tas, tu réfléchis sur son cas et tu places. Antum, faites un tableau pour demain. Hakada, tu mets irada kawniya et shar'iyya. Et huna, tu mets deux hommes. Un musulman, un kafir. Et tu coches. Muslim, tu dis matalan, il a celle-là. Il a pas celle-là. Hada, il a celle-là. Il a pas celle-là. Et tu auras les quatre. Et bien, idnillah, tu auras compris. Hada, le masjid. Wallahu a'lam. Enfin, j'insiste la révision. La révision, ya jama. Si vous savez pas, demandez. Qala al-imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala faslun. Al-Iman qawlun wa amal. Hada faslun jadid. On a fini al-qadr. Hada faslun fi l'Iman. La foi. Aqidat ahl-sunnah. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Des paroles, des actes avec les membres et une croyance. قال ابن قدامة رحمه الله والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. الأركان أي الجوارح, les membres. الأركان الجوارح أي les membres. الركوع مثلا سعمل بالأركان. قال وعقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشاهد قوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. قال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ça c'est l'ikhlas, c'est un acte du cœur. قال ويقيم الصلاة. Ça c'est un acte avec la langue et les membres. La salat لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث عبادة. Ça montre أن الصلاة il y a des paroles, كذلك il y a des actes avec les membres. الركوع السجود. Tu te redresses, tu te mets en prosternation, tout ça c'est des actes avec les mots. Tout ça c'est din. Et din c'est l'iman. Enfin, ça montre que le din il est fondé sur des paroles, sur des croyances, sur des actes avec les membres. C'est ça l'iman. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. الحديث في صحيح مسلم. كذلك في صحيح البخاري بضع وستون, لكن لفظ ستون كأنه إلى الصح. قال فجعل القول والعمل من الإيمان, وقال تعالى فزادتهم إيمانا, وقال ليزدادوا إيمانا. هذا ابن قدامة إلا سيتي pour montrer أن الإيمان يزيد. Il augmente. C'est pas toutes les personnes qui ont le même إيمان. إيمان جبريل لا شك, c'est pas comme l'إيمان d'Aasi أبدا. إيمان أبي بكر c'est pas comme l'إيمان d'Aasi فاسق أبدا. S'il augmente, forcément, il y a un qus. C'est pour ça qu'Ibn Qudama va citer Adillat al-Izdiyad. Il y en a six mots, ça veut dire qu'avant, il était naqus. Chaque kathir min al-ulama, il cite Adillat al-Izdiyad al-Iman. Ça montre un nuqsan. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yakhruju min al-nar, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin, أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. حديث أنس في الصحيحين. حديث أنس في الصحيحين لدغني كلاسيت ابن قدامة. هذا الحديث الآن ابن قدامة رحمه الله يمطر أن les personnes ils ont pas le même niveau de foi. مثلا هؤلاء الله سبحانه وتعالى يخرج من النار. الله سبحانه وتعالى va faire sortir des gens من النار. Ils disent la ilaha illallah, c'est des mu'minines, ils ont la foi. Lakin, leur foi elle est très très basse. Fi qalbi mithqal darra aw khardal. Tout ça, ces mots, ils montrent une petite chose. Et des autres personnes, ils ont l'iman mithl al-jabal. Ils ont un iman, il est énorme. Ça montre que les personnes, ils n'ont pas le même niveau de foi. Abadan. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Plus la personne il fait des ta'at, il est mukhlis, il suit la sunnah, son iman il monte. Plus il délaisse ça, son iman il descend. والعياذ بالله. Et la personne كذلك il peut perdre l'iman بالكلية. Celui qui fait une annulation parmi les annulations de l'islam, comme on avait expliqué dans Dars Nawaqid al-Islam. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Celui qui fait du shirk, il perd tout son iman. Il bascule de mu'min à kafir. Il n'a plus ce iman. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, al-Sharh al-Iman, الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. كذلك عبارة أخرى، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. C'est les mêmes, le même sens. Voilà aussi les mots échangent. Al-Arkan, on a dit, c'est les membres. Al-Janal, on a dit, c'est le qalb, c'est le cœur. قال مثل القول لا إله إلا الله ومثل العمل الركوع ومثل العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. الصلاة مثلا englobe les trois. أولا يدفعون العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. Tu fais cette salat لله عز وجل. Tu es obligé d'avoir cette aqida pour tous les amas. As-salat, il te faut des paroles. Al-Fatiha, il te faut les adhkar, il te faut le taslim. As-salat, c'est des actes avec les membres. Tu lèves les mains, tu fais le ruku', tu te redresses dans le ruku', tu fais le sujoud. As-salat, elle englobe les trois. As-salat, c'est min al-iman. والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين. نعم، هذا واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها أو أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، رواه مسلم بلفظ، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأصله في الصحيحين. نعم، من حديث أبي هريرة كما في الحاشية. وهذا الحديث لكلاه أن الإيمان يدي دقري. مثلا le plus bas niveau c'est enlève un obstacle من الطريق، un obstacle qui gêne les muslimis. Tu l'enlèves من الطريق. Ça fait partie de l'Iman. Lakin c'est pas le même niveau que celui qui dit la ilaha illallah. Enfin, les deux ça fait partie de l'Iman. Lakin l'Iman il y a des branches, des degrés, des niveaux. Ça montre que l'Iman yazid wa yanqus. Plus la personne il applique la sunnah. Enfin, plus son iman, l'achat qui va monter. Plus il délaisse, plus par rapport à son délaissement, il va descendre. Et on a dit, il peut disparaître complètement. Wal'ayadu billah. قال والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى فزادهم إيمانا. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا سموت كليرمون كل إيمان يموت. فزدادوا الإزدياد on a dit c'est l'augmentation. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردل. Tout ça c'est l'ashia sagira. C'est des exemples pour montrer des choses minimes, infimes. Une toute petite chose. Et il traduit souvent par un atome. L'ana c'est une chose très petite. قال أو ذرة من الإيمان رواه البخاري بنحوه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا. جعله أي جعل الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان متفاضلا. Il y a une chose qui est plus forte, plus élevée, meilleure que l'autre. متفاضل. Celui qui enlève un obstacle de la route, c'est pas comme celui qui a fait le Hajj. Les deux c'est l'Iman. لكن الحج أعظم. وإذا ثبت زيادته ثبت نقصه. ما معنى هذا؟ Il fait le Hajj, il fait le Salat, il donne le Zakat, son iman il monte. Quand il est monté, ce qui était avant c'était naqs. Dès qu'il monte, c'est ce qui était avant, c'est que c'était bas. Vu que tu es monté, plus tu montes, plus ce qui est avant c'était bas. Enfin, le fait que l'iman il monte, c'est une preuve que l'iman il descend. هذا الذي يريد الشيخ ابن عثيمين. قال لأن من لازم الزيادة يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. هذا لأن من لازم الزيادة. L'augmentation elle implique أن يكون المزيد عليه ناقصا. L'augmentation elle implique que ce qui avait avant c'était bas, vu que tu es monté. والله أعلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. Il va citer des exemples de l'Iman بالقلب. Il va citer des exemples de choses que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a rapportées, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélées في القرآن أو في السنة أنت أيها المسلم تأبلجت كواغ سيت شوز. قال رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a informé d'une chose. On l'a vu cette chose. Enfin, là, chaque on y croit. Ou alors, si on ne l'a pas vu. Maintenant, le Nabi Sansalem, il nous a informé que le Messie Haddadjal, il allait sortir. Là, là, on y croit. Ou alors, si on n'a pas vu. C'est ça, l'aqidat le musulman. Amma l'aqlani via d'al bab. L'aqlaniyoun. Al-za'iroun, al-dhullal. Hum, ils ont un mabda. Ou al-iyadu billah. Je ne crois pas tant que je n'ai pas vu. Hada, c'est un mabda kufri. لأن الله سبحانه وتعالى tu l'as pas vu والملائكة tu les as pas vu والرسل tu les as pas vu الجنة والنار t'as pas vu tout ça. فكيف هذا المبدأ je vois pas أو je crois pas tant que j'ai pas vu. هذا c'est du كفر بالله. أما المسلم لا il croit tant qu'il a un خبر صحيح un verset du Coran ou un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم صحيح. هذا فلهذا كثير من الناس الآن وقعوا في الإلحاد. كثير من الناس sont tombés et sont devenus des athées. لأن ils ont هذا المبدأ. Ils n'ont plus cette aqidah de l'ghaïb. Ils croient qu'en ce qu'ils voient, faqat. Wa al-iyadu billah. Qala wa na'lam annahu haqqun wa sidqun wa sawa'un fi dhalik ma aqilnah wa jahilnah wa lam natali' ala haqiqat ma'nah mitl hadith al-isra wa al-mi'raj. Même si c'est une chose que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été élevé aux cieux, il a Al-Isra al-Mi'raj, sur le thème, il va le détailler. Hatta ada, voilà aussi des choses que tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi, tu'min, tu crois, c'est haq. Qala wa kana yaqdatan, ou yaqdatan, la manaman. Al-Imam al-Qudama, il a précisé en Al-Isra al-Mi'raj, à l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un rêve comme certains prétendent, abadan. Bal, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il a fait ce voyage et il était réveillé avec son corps. Ce n'est pas un simple rêve. Abadan. Qala fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam tunkir al-manama. Na'am wa hadha huwa ad-dalil. Ça aurait été un rêve, Quraish, ils n'auraient pas démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hattam tal'an, tu nous dis j'ai fait un rêve cette nuit, je suis parti au Maroc, je suis parti en Algérie, je suis parti en Tunisie. La ahad yunkir alayk. C'est un rêve. Amma yaqadatan avec ton corps, tu fais l'aller-retour. À l'époque, c'était impossible un aller-retour de Mecca, Beit al-Maqdis en une nuit. Lakin, Allah il est à la kulishin qadim. C'est pour ça que Quraysh ils ont refusé. C'est pour ça, comment cette personne il prétend qu'il est parti en une nuit, il a fait un aller-retour, nous ça nous prend des mois. Qala, wa min dhalik, deuxième point, qala wa min dhalik anna malak al-maut. أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. Deuxième exemple qui donne Ibn Qudama, l'histoire de Moussa avec ملك الموت. Il lui a mis un coup, il lui a crevé l'œil. هذا نؤمن به. عقيدة. الحديث إلى صحيح. إن شاء الله شيخنا تيمين بعد تايه هذا. قال رحمه الله الشرح السمعيات. قال السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بالقرآن والسنة. السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي القرآن والسنة. فأشك فتان دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بهذا الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالإسراء والمعراج، أخبر بقصة موسى، فتؤمن. فهمت أو ما فهمت؟ عقلت هذا الشيء أو لم تعقله؟ رأيته أو ما رأيته؟ تؤمن به لأنه سمن من الإيمان. قال السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل. كذلك هذه الأمور tu ne comprends pas avec l'عقل. بعض الناس الآن ils ont fait rentrer leur عقل في هذه المسائل, ils n'arrivent pas à comprendre comment Moussa il a frappé un ange. Il lui a crevé l'œil. Ah voilà, il se pose la question, est-ce que l'ange il a un œil? Comment Moussa, c'est un prophète, il tape un ange? Et il rejette le khabar. Ils auraient pris ferme les ulama. Et aqidat al-sunnah. Et tu crois. Toi, c'est un problème, tu demandes. Fas'alou al-dhikr, in kuntum la ta'lamoun. Inch'Allah, il serait à la khayr. Lakin, ha'oula, ils font passer la raison avant les textes. Al-aqlaniyoun. Qala wa kullu ma thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min akhbar. Fahiya haqqun yajib tasdiquh. C'est wajib. C'est ça l'iman, c'est ça l'aqidah. Tant que le hadith il est sahih, ou ça, verset du Coran, tu'min, t'estaslim, al-inqiyad. Je ne suis pas à rejeter. Pourquoi, comment, mais là, tu crois. Si tu as du mal à comprendre, demande. Si tu n'arrives pas à comprendre, t'es excusé. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. L'essentiel, en tête, tu crois. Je crois que l'histoire de Moussa avec le malak, malak le mot, elle est sahiha. Et tu t'arrêtes là, bidoun khawd. Et pourquoi, comment, mais là, c'est tariq ahl al-bida. Qala, fa yahaqqun yajib tasdiquhu sawa'un shahidna bihawasina. Al-hawas, c'est les sens. Bihawasina, c'est les sens. Aïe, l'ouïe. Ou la vue. Matalan, al-malaika, tu les as pas vus, bihawasik. T'as pas vu avec ton œil, t'as pas senti une odeur, t'as pas touché un malak. T'as rien de tout ça. Lakin tu'min. C'est une aqida, c'est min umur al-ghayb. Ça fait partie de l'invisible. Qala, au ghaba anna wa sawa'un adraknah bi'uqulina. أم لم ندركه لقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تصاص حق تؤمن به قال وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا ذكر الإسراء المعراج وقصة ملك الموت ثم سيدخل في أشراط الساعة أي المسيح الدجال نزول عيسى يأجوج ومأجوج خروج الدابة توصل الآن إذا يسيتي فنقرأ الأمر الأول الإسراء والمعراج وهذا معروف عندكم on avait détaillé قليلا في شرح الأصول الثلاث il avait détaillé هذا فأون غلي قال الإسراء لغة السير بالشخص ليلا أي السفر في الليل السفر في الليل هذا الإسراء السير بالشخص ليلا فالإسراء خاص بالليل si c'est la journée on dit pas إسراء قال وقيل بمعنى سرى وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس فالإسراء لغة c'est le voyage de nuit le voyage nocturne في الشرع dès que tu entends l'Isra في السنة ou في un sujet de dîn c'est Isra celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait aïe min Mekka il a bait al-Maqdis la nuit avec Jibril قال لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأمل الآية قال عز وجل أسرى بعبده ليلا ستموت كل إسراء في الليل ثم الله سبحانه وتعالى dans ce verset nous a montré l'endroit. Ça a commencé min Mekka, ça montre que l'Isra c'était la période de Mekka, c'était pas après le Hijra, c'était avant. Et là, Masjid al-Aqsa. Al-Isra, faut pas confondre avec le Mi'raj. Al-Isra c'est min Mekka ila Bayt al-Maqdis. Il y a pas encore d'ascension fi sama. Il y a pas encore l'ascension dans les cieux là. Al-Isra c'est toujours sur terre min Mekka ila Bayt al-Maqdis. المعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد على وزن مفعال تعلمون أن وزن مفعال كثيرا سبغ الآلة تجي مفتاح مفتاح سي آلة الفتح pour ouvrir les portes une clé فكثير في اللغة العرب الآلة أي لوتي سي على وزن مفعال معراج مفتاح فالمعراج في اللغة c'est une chose que qui va t'aider à monter هذا قال وشرعا السلم الذي عرج به الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال وكان في ليلة واحدة عند الجمهور وهو الصحيح أن الإسراء والمعراج شبه تميل أدي وكان مثنى يا ألف وكان سالإسراء والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور بعضهم يقول أن الإسراء ستاء النوي et Al-Mi'raj dans une autre nuit. Hada, c'est pas sahih. Al-Isra ou Al-Mi'raj, les deux la même nuit. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé de Mecca. Il a Bayt al-Maqdis. Thumma Bayt al-Maqdis, il est monté dans les cieux avec Jibril. Tout ça en une nuit, la même nuit. Al-Mabadoum, il différencie la première nuit, thumma une autre nuit là. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté à Quraysh, après son retour, il a raconté l'histoire. Il n'a pas fait la différence. Hada, c'est wadih. Al-Qawla, on est en deux nuits, c'est un Qawla va'if. Qala wa lil'ulama khilaf ma takanet. Naam. Ahlul ilm ikhtalafu. C'est quand que ce Isra et ce Mi'raj a eu lieu? Quelle nuit? Qala fayurwa bisanad munqati an Ibn Abbas wa Jabir radiyallahu anhum annaha laylat al-ithnayn al-thani ashar min rabi' al-awwal. Hada da'if. Qala Cheikh Ibn Taymiyyah munqati'. Le isnad, il manque une personne. Ça c'est da'if. Qala wa lam yu'ayyina al-sana. Aïe, Ibn Abbas ou Jabir, la mu'ayyina as-sana. Ils ont dit la 12e nuit de Rabi' al-Awwal. Amma l'année, ils ne l'ont pas cité. Ce qu'on dit de daïf. Il n'est pas thabit à Ibn Abbas ou Jabir. Le sanad, il est muqatta. Qala rawahi Ibn Abi Shayba. On a dit daïf. Qala wa yurwa an al-Zuhri wa urwa annaha qabla al-Hijra bi sana. Ce qu'on an al-Isra wa al-Mi'raj an awa al hijra. قال رواه البيهقي فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة. Ils ont pas précisé le jour. ربيع الأول أنا أبو الهجرة. وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. قولي لضعيف كذلك. لا يبقى الدليل على هذا. الله أعلم بهذا. قال ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة أشهر بستة. قال بستة عشر شهرا. 12 mois et 4 mois, 16 mois, un peu moins d'un an et demi. Qawli le da'if kadalik. Qala rawahu al-hakim fatakun fi dhil-qi'da wa qila qabla al-hijra bi 3 sinin wa qila bi 5 wa qila bi 6. Kullu hadhihi al-aqwal la yathbut minha shay. On n'a pas un dalil qui nous montre c'est quand la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj. On sait que c'est avant l'Hijra. La chaque a dit. Le prophète, il est encore à Mecca. La chaque, c'est après le Bi'atha. Ça t'a deux choses. C'est après le Bi'atha. Aïe, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, il lui avait révélé Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. C'est un prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avant l'Hijra. Donc c'est la période mécoise. La période mécoise après la révélation, avant la Hijra. L'année, le mois, Allah alam bih. En fait, il n'y a pas une faïda kabira. L'essentiel, c'est t'astafid min ma hasal. Et tu différencies entre le sahih et le da'if. Et tu crois en ces choses. Fa hada yakfi. Amma la date, al-amr il est sahih. Fa li hada, tu ne trouves pas une riwaya sahiha fi hada. Léana, ce n'est pas quelque chose de. Tu es obligé de savoir la nuit. Là, l'essentiel, tu crois. Que ça soit lundi ou jeudi, un an avant l'Hijra ou trois ans, ça ne change rien, anta. Qala wa kana yaqadatan la manama, li anna Quraishan akbaratu wa ankaratu, wa law kana manama lam tunkiru, li annaha la tunkiru al manama. Naam, hada taqaddam. Hada dalil anna al-Isra wa al-Mi'raj kana yaqadatan. Yaqadatan, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec son corps. Hada. Ça sera un rêve, personne n'aurait. Tout le monde fait des rêves. Amma Quraysh, ils ont rejeté Al-Khabar, les Anna, ils n'ont pas réussi à comprendre. Vu qu'ils ne croyaient pas au prophète, ils n'ont pas compris. Cette chose qui sort de l'ordinaire, ils l'ont rejeté Mubashara. Amma Al-Mu'min, Al-Muslim, voilà, chaque il accepte. Lianna, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, on y croit. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي. Et celui qui accuse le prophète صلى الله عليه وسلم de mentir, c'est un kafir billah azza wa jalla. Il sort de l'islam. لِأَنَّ il annule son attestation أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ. Comment tu témoignes أَنَّهُ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ tu l'accuses de mentir. Enfin, celui qui prétend ou qui croit que le Nabi صلى الله عليه وسلم ment, نعوذ بالله من هذا الكفر سان كافر بالله عز وجل. هذا لا يحصل إلا من الكفار أو المنافقون. أما المسلم المؤمن فيكروى البروفيت ويكروى aux informations du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وقصته il va se résumer l'histoire de l'Isra et l'Mi'raj. قال وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق ويجوز البراق ويجوز بالفتح كذلك تقوى لغاتي هذا البراق البراق البراق أظن تقدم معنا في تفسير ابن كثير في درس الشيخ أظن تقدم هذا قال ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام نعم أقلام القدر قال وفرض الله عليه الصلوات الخمس معروف تسا نحن بابات وديتايس أسخدخلوا واتصل بالأنبياء الكرام وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون حتى في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى lui a parlé. Il lui a ordonné les salawat al-khams. Ça montre l'importance de ces salawat. أنها ces salawat elles ont été légiférées. Allah سبحانه وتعالى il a parlé directement au prophète عليه الصلاة والسلام. Ça montre l'importance de هذا الأمر. Les salawat al-khams. كذلك ça montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم c'est imam. الأنبياء والمرسلين لأنه ils ont fait salat الجماعة tous les prophètes et le prophète محمد عليه الصلاة والسلام c'était lui l'imam وتعلمون أن يأم القوم أفضلهم l'imam c'est le meilleur de l'assemblée فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك c'est le meilleur et c'est le dernier des prophètes عليه الصلاة والسلام كذلك le prophète صلى الله عليه وسلم dès qu'il est revenu il a informé بهذا أبو جهل il l'a entendu. Il est venu voir le prophète A.S. il lui a dit répète ce que tu as dit. Le prophète A.S. il a raconté, il lui a dit je suis parti cette nuit min al-masjid al-haram min Makkah il habite le Maqdis. Thomas je suis monté au cieux et il lui a raconté. Abu Jahl il lui a dit j'appelle tout le monde, tu répètes hada. Le prophète Mohammed il lui a dit non. Abu Jahl il a appelé tout le monde. C'est à Mecca. Le but de Abu Jahl c'est pas le haq. Ça te montre que le kafir, il est hakada. Rien il veut que tu parles ou il veut. Lui, il veut pas le haq. Il essaie de t'humilier. Faqat. Le prophète sallam, il a raconté. Hatta, ils lui ont demandé d'écrire Majid al-Aqsa. Fa, al-Nabi sallam, il a levé son regard. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a placé Majid al-Aqsa en face de lui. Ça montre que l'aqiba est le taqwa. Si tu as le taqwa, la taqaf ou la tahzan. Ils ont dit amma al-wasf faqad sadaq. Yani amma la description c'est vrai. Lakin ma'a hada ils ont pas cru. Celui qui veut un peu détailler hadi al-mas'ala raji' tafsir Ibn Kathir fi sourate al-Isra. Il a cité كثير من الأدلة. Et nous on l'avait lu walillah alhamd avec Cheikh Yahya hafidhahullah fi tafsir Ibn Kathir. Sourate al-Isra au début عند قول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فابن كثير il a cité l'histoire de l'Isra et le Mi'raj avec plusieurs hadith et il a cité al-khilaf al-qawl al-sahih tout ce qu'on a cité il l'a cité هناك en détail لعل on le lira inshallah في درس الواسطية أما الآن on laisse résumer tout ça بإذن الله on détaillera dans les autres دروس قال الأمر الثاني deuxième chose مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم deuxième خبر qu'on doit croire après l'Isra et le Mi'raj les exemples qu'il a cité Ibn Qudama m'a dit ملك الموت aïe ملك الموت il est venu voir Moussa Moussa il lui a mis un coup il lui a crevé l'œil قال جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى au visage قال ففقع عينه ففقع أي il lui a crevé l'œil قال فرجع الملك إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال أي الله عز وجل ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور قال فله بما غطى يده بكل شعرة سنة Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au malak al-maut, tu retournes inda Moussa et tu lui dis qu'il met sa main sur un taureau. Et tous les poils qui sont sous sa main, chaque poil un an. Qala bikulli shahr sana. Faqala Moussa thumma madha? Qala thumma al-maut. La deuxième fois, Moussa il a su que c'est un malak. Qad yaqul qa'il, pourquoi Moussa il tape un malak? Lianna la première fois le malak il est venu sous forme d'homme. Et il a demandé à Moussa, je veux reprendre ton âme. Moussa, il s'est défendu. Il ne savait pas que c'était malak le mot. Il ne comprend pas pourquoi Moussa, il a tapé. La preuve, c'est que la deuxième fois, quand Moussa, il a su que c'était un ange, la deuxième fois, il lui a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le choix, tu mets ta main. Moussa, il a su que c'était un malak. Enfin, il lui a dit, Tumba Mahata, il lui a dit le mot. Il lui a dit l'âme. Qala Tumba le mot, Qala fal'an. Ça montre l'islam ou l'inqiyad. Contrairement à ce qu'il pense à Zahirun al-Dhullat. قال فسأل الله أن يدني من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Ça c'est un endroit. Le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit, si je serais هناك, cet endroit في الشام, je vous aurais montré la tombe de Moussa. قال وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. Il est fait le Bukhari ou Muslim, tu n'as pas le droit de le rejeter. قال وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدع أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. بعض العقلانيون ils ont rejeté le hadith ولو il est في الصحيحين. لماذا؟ لأن la raison elle est passée avant العقيدة, avant les textes. Ils ont dit كيف موسى c'est un prophète, il va taper un ange. اسمع الشيخ العديمي. قال ونرد عليهم بأن الملكة بموسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو. Moussa, un homme il vient et lui dit, je vais te reprendre ton âme. Ah, Moussa il s'est défendu. Qala yatlub minhu nafsa fa muqtada at-tabi'a al-bashiriyya an yudafi' al-matlub 'an nafsihi. Qala wa law 'alima Moussa annahu malak lam yaltimhu abadan. Moussa il aurait su que c'est un ange, il l'aurait jamais tapé. Qala wa lidhalika istaslama lahu fi al-marra ath-thaniya hina ja'a bima yadullu annahu min 'ind Allah. لأن il est venu la deuxième fois l'ange, il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala il t'a dit de mettre ta main. La chèque c'est un rasoul min Allah, c'est un ange. Moussa il a directement compris. Fa fi hadha al-hal il lui a rien fait. Fa hadha al-jawab. Qala hina ja'a bima yadull annahu min 'indi Allah wa huwa i'ta'uhu muhlatan min as-sinin biqadri ma taht yadi min sha'r ath-thawb min sha'r thawb. Fa al-hasil nahnu nu'min bihadha kullih. Nu'min bihadha kullih. Et demain, Inch'Allah, on essaiera d'aqra akthar. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah.